vas saluer ton voisin et tu lui dis, c'est l'heure de la transformation. Gloire au Seigneur. Nous avons été bénis depuis le mercredi. Et on a une nuit de l'esprit merveilleuse, du soir au matin jusqu'à hier matin. Nous bénissons le Seigneur pour votre participation. Et nous continuons et clôturons maintenant ce matin avec l'homme de Dieu, le révérend Hilary Otonon, que nous invitons pour nous apporter la parole. Alors, qui était là au courant de la semaine? Alors, je vois. Qui n'ont pas été là? Hey! Vous êtes nombreux. Alors, profitez de ces quelques 30 minutes, enfin, de tous les cultes. Le Seigneur est présent. Amen. On acclame encore très fort le Seigneur. Thank you, Seigneur. Amen. I still want to appreciate everyone. Je continue à remercier tout le monde. Because you have made me to love Goma. Parce que vous m'avez poussé à aimer Goma. I never knew Goma before. Je ne connaissais pas Goma avant. But I'm now in Goma. Mais présentement, je suis à Goma. I sent message to people on Facebook. I was telling them, look at, there's a beautiful place called Goma. J'ai envoyé des messages aux gens sur Facebook. Je leur disais, voilà la beauté de Goma. I took photograph by the lake. J'ai pris les photos au bord du lac. And I showed it to people, and they were all commenting. Et je les ai montrés aux gens. Ils ont tous commenté. Ils se sont éclamés. Ils ont dit, nous savons, Congo a été toujours beau. And Congo will reclaim its glory. Congo va réclamer sa gloire. In the name of Jesus Christ. Au nom de Jésus-Christ. Congo has a prophetic stand in Africa. Le Congo a un standard prophétique en Afrique. Have a prophetic position in Africa. Le Congo a une position prophétique en Afrique. And when Congo breakthrough, et quand le Congo aura sa percée, Africa, l'Afrique, we also manifest. L'Afrique va se manifester. Amen. Amen. Amen. Amen. Without wasting time. Sans perdre le temps, we have been treating the message global transformation. Nous étions en train de traiter le message, la transformation globale. Global transformation. La transformation globale. Every good and perfect transformations. Chaque bonne et parfaite transformation starts from the inside. Commence de l'intérieur. The bad transformation et la mauvaise transformation starts from the inside. Commence aussi de l'intérieur. Shall we pray? Pouvons-nous prier? Father, you are God. Père, tu es Dieu. It is written that the entrance of your word giveth light. C'est écrit que l'entrée de ta parole donne la vie. Let the word that will enter your people today quicken them. Laisse que la parole qui va entrer dans ton peuple aujourd'hui les réveille. And let it bring forth light. Laisse que ça amène la lumière. To the glory and praise of your name. Pour ta gloire de ton nom. In Jesus' name we pray. Au nom de Jésus, nous avons prié. Can somebody say amen? Que quelqu'un dise amen. When there is a transformation, quand il y a la transformation, The manifestations start from the inside. Les manifestations de la transformation commencent de l'intérieur. It starts from your thoughts. Ça commence par tes pensées. It starts from your decisions. Ça commence par les décisions que tu prends. It starts from every part of you. Ça commence de toute partie de toi. It's just a little thought. Mais c'est juste une petite pensée. It's like what they call it, a raisin that is dropped into a flower. C'est comme le sel qui est jeté dans quelque chose. Into flour. When you are making bread, c'est comme l'étincelle. C'est comme l'étincelle ou les levures. When it drop into, when you place it into the flour, quand vous placez les levures dans la farine, you allow it for some time. Tu les laisses pour un peu de temps. And to glow. Et ça va gonfler. To become big. Ça va gonfler pour devenir grand. Why? Pourquoi? The same way, de la même façon, when you take a little thought, quand vous prenez une petite pensée, and you brood upon it, et vous raisonnez là-dessus, it begins to grow. Ça commence à grandir. Just like somebody insults you. Juste comme quelqu'un peut t'insulter. Who are you? Qui es-tu? And you begin to reason it. Et tu commences à raisonner sur les paroles. But if you did not reason it, mais si tu n'as pas raisonné sur it will not have effect on you. Ça n'aura pas d'impact sur toi. But when you start reasoning it, mais quand tu commences à raisonner là-dessus, you begin to think about tu it. Tu commences à raisonner là-dessus. Who am I? Qui suis-je? Who am I? Qui suis-je? Did he know that I pay his son's school fees the other day? Est-ce qu'il se rappelle que c'est moi qui ai payé le minerval de son enfant Who un jour? Who am I? Et il me pose la question qui suis-je? You begin to meditate. Tu commences à méditer sur ça. It's no longer ordinary thought. Ce n'est plus les pensées ordinaires. It is now meditation. C'est devenu maintenant une méditation. Until it takes the whole. Jusqu'à ce que ça va te prendre tout entier. Just like the farine and the leaven. Juste comme les levures et la farine. Make it to rise. Ça amène à ce que ça puisse gonfler. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Today, aujourd'hui, I want you to see something. Je voudrais que vous puissiez voir quelque chose. Because many people sitting in the church are already they are confused. Parce que beaucoup de gens qui sont assis dans les églises sont confus. They count on their prayers. They count on what they have given. Ils comptent sur leurs prières. Ils comptent sur ce qu'ils ont déjà donné. I have been giving. Je donne toujours. I have been doing this. Je fais toujours ceci. I have been doing that. Je fais toujours cela. What is the difference? Quelle est la différence? I serve God. Je sers Dieu. We are very good in blaming God. Nous sommes très bons en condamnant Dieu. We are very good in that. Nous sommes très bons. Gideon was good in that. Gédéon était bon en cela. Gideon told God. Gédéon a dit à Dieu. Where is the miracles we've been hearing? Où sont les miracles que nous avons toujours entendus? Where is the testimony? Où sont les témoignages? He has forgotten. Il a oublié que his father has altars. Son père a altars. Des idoles, des autels. Altars that were against God. Les autels qui étaient contre Dieu. They are in his father's house. Les autels étaient encore dans la maison de son père. But he blamed God. Mais au moins il pouvait condamner Dieu. Every man that makes mistakes blames God. Chaque personne qui commet les erreurs, il condamne Dieu. God doesn't talk to defend himself sometimes. Et Dieu ne parle pas pour se défendre la plupart des fois. May God help us in the name of Jesus. Que Dieu nous aide au nom de Jésus. Why? Pourquoi? Why? Pourquoi? People condemn God. Les gens condamnent Dieu. We condemn God. Nous les condamnons. Why? Pourquoi? Is it because he cannot do it or he is doing it, we are not seeing it? Est-ce que c'est parce qu'il ne peut pas le faire ou bien il le fait et nous ne le voyons pas? Is it because, oh my God. Est-ce que parce que, oh mon Dieu. We need to come again to understand. Nous devons revenir à la compréhension. To know that the way a little leaven can make farine to rise. Nous devons revenir à entendre que de la même façon que le petit levure peut amener la farine à gonfler, the same way, de la même façon, The word of God, la parole de Dieu, when you meditate on it, quand tu médites sur la parole de Dieu, will make your spirit rise. Elle va faire ton esprit agrandir. When you think on what people did to you, quand tu penses sur ce que les gens t'ont fait, you at the end you think you are thinking, you don't know you are already meditating. Et à la fin, tu vas croire que tu continues à raisonner alors que tu es en train de méditer déjà. As you think. Quand tu continues à penser, à raisonner là-dessus, it bring forth fruit. Ça va apporter les fruits. The fruit is, les fruits sont unforgiveness, le manque de pardon and vengeance. Et la vengeance. Because you meditate. Parce que tu étais en train de méditer. You spend time, tu as passé le temps to meditate on it, à méditer sur la chose. And the more you meditate on it, alors, quand tu continues à méditer, you bring forth fruit. Tu apportes le fruit. And you see yourself saying, no, I cannot forgive. Et tu vas te rendre compte que tu es en train de dire, je ne peux pas pardonner. I can't forgive. Je ne peux pas pardonner. No. No. No. No. He knew what he's doing. Il savait ce qu'il faisait. I have to show him. Je dois le montrer. Because you have meditated. Parce que tu as médité. You have spent time. Tu as passé le temps. You have brooded on it. Tu as médité sur cela. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. That is why in the book of 2 Corinthians chapter 10 verse 5. C'est pourquoi dans le livre de 2 Corinthiens chapitre 5 verset chapitre 10 verset 5. It says casting down imaginations. La parole dit nous allons démolir les imaginations. Casting down imaginations. Démolir les imaginations. And every high thing. Et toute chose qui va s'élever. That exalts itself against the knowledge of God. That qui va s'élever contre la connaissance de Dieu. Bringing into captivity. Amenez-le sous la captivité. Every thought. Chaque pensée. To the obedience of Christ. À l'obéissance de Christ. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. So transformation, alors la transformation, is a thing of the inside. C'est quelque chose de l'intérieur. The battle we are fighting daily, le bataille que nous sommes en train de combattre chaque jour, is inside. C'est à l'intérieur. The domination, la domination, is from the inside. La domination vient de l'intérieur. Hallelujah. Amen. Can I get 3 volunteers? Puis-je avoir 3 volontaires ici devant? 3 volunteers, 3 people. 3 personnes volontaires. Can you come? Pouvez-vous venir? God bless you. Que Dieu vous bénisse. The third person. La troisième personne. Okay. Okay. Okay. Thank God we have a female at the middle. So a female will come to the middle. Nous remercions le Seigneur, nous avons une femelle. Alors la femelle sera au milieu. Amen. Amen. La femme. Amen. Amen. Now, alors, when we see the archaic way or the ancient way or the old way of making an object, a mold. Quand nous voyons la façon ancienne, image, la façon please. Archaïque de faire l'image, one of the things we see, we notice is this. Une des choses que nous remarquons est celle-ci. We have the first of all, we have something that they place down to place the mold. Nous allons voir qu'il y aura quelque chose qu'on va mettre par terre pour placer la moule. And then the other one is the candle wax. Et l'autre chose qu'on va apporter, c'est le travail de bougie, la bougie. In our place, they use the bee wax. It's a wax. What do you call on appelle wax? Quelque chose un peu mou. La ruche d'abeille. So you place it on what you have already made down. Alors, on va placer cela sur la moule. Then you cover it with clay. Et on va le couvrir avec l'argile. Amen. Amen. How many of you have seen such things before? Combien d'entre vous avez déjà vu cela? Oh, okay. That is how they mold images. Voilà comment on était en train de faire l'image. So when they when they are making statues. Quand on est en train, quand on faisait la statuette. So when they do that, alors quand ils font ceci, they will make the wax to come out just like this a little. Ils vont prendre the wax. C'est de la baie. Okay, c'est candle. La cire, on va prendre la cire, on va la faire sortir. Uh-huh. So they will place, now they have covered it with clay. Alors, on a couvert déjà ceci avec avec l'argile. Now you place it in the fire. Alors, ils mettent ça dans le feu. After placing it in the fire, après l'avoir placé dans le feu, you carry the image. Ils vont maintenant sortir l'image. You pour away the wax. Alors là, on jette la cire. The inside take the form. Et l'intérieur va prendre la forme. You take the gold that is liquid. Alors now, là, ils vont prendre l'or en liquide. You pour it inside a hole. Ils vont le remplir dans ce trou là. When you pour the gold inside a hole. Alors quand l'or est rempli à l'intérieur, the former place where the wax was before. Alors la première place où il y avait la cire, now is empty. Ça sera vide. The gold will take the form. L'or va prendre maintenant la forme. Now an image. Et ça va donner l'image. Is formed. L'image est formée. Now. Alors. I come to the tree. Je vais revenir maintenant à ce trois. Now this is the first placement. Ça c'est le premier emplacement. Okay, this is the gold. Et c'est, au milieu c'est de l'or. And this is the clay. Et le troisième, c'est l'argile. And all this is one man. Et ce trois sont une personne. Hallelujah. Amen. Are you following me? Est-ce que vous me suivez? If you are following me, give a clap offering to Jesus. Si vous me suivez, acclamez. Now. Alors. All these. Ce trois. It's one man. Représente une personne. The Bible says the spirit. La Bible dit l'esprit. The soul. L'âme. And the mortal body. Et le corps mortel. Now, the alors, Bible said. La Bible dit. In Genesis chapter. In Genesis. Dans le livre de Genèse. It said, and God breathed into man. Et Dieu souffla dans l'homme. And God breathed into man. Et Dieu souffla dans l'homme. And man became a living soul. Et l'homme devint l'être humain. A living soul. L'homme devint une âme vivante. Because there are dead souls. Parce qu'il y a aussi les âmes mortes. Amen. Amen. Man became a living soul. L'homme devint une âme vivante. Jesus said. Jésus a dit. You are blind. Vous êtes aveugle. But they could see. Mais ils pouvaient voir. In the physical. Dans le physique. But they cannot see in the realm of the spirit. Mais ils ne pouvaient pas voir dans le spirituel. They were blind. Ils étaient aveugles. The Bible called them spiritually blind. La Bible les appelle aveugles spirituellement. They were called dead. Ils étaient appelés les gens morts. But physically, they were not dead. Mais physiquement, ils étaient en vie. Their soul, leur âme, they don't live well. Leur âme ne vivait pas. If you have not Jesus Christ, si tu n'as pas Jésus-Christ, you have a dead soul. Tu as une âme morte. You carry a condemnation upon your tu es soul. En train de transporter la condamnation sur toi. You are already condemned. Tu es déjà condamné. So Jesus, alors Jésus, is the life. Jésus est la vie that we need. La vie que nous avons besoin. He said in the book of John chapter 15. Il a dit dans le livre de Jean chapitre 15. He said, if ye abide in me, c'est si vous demeurez en moi, and my word abide in you, et que ma parole demeure en vous, ye shall ask whatsoever ye desire. Vous allez demander toutes choses dont vous avez besoin. If you abide in me, si vous demeurez en moi, that means there is a place for the word. Ça veut dire qu'il y a la place de la parole. God breathed into man. Dieu souffla dans l'homme. Then man became corrupt. Mais l'homme est devenu corrompu. Hello? Hello? He became a dead soul. Ils sont devenus une âme morte. Now Jesus came. Alors Jésus est venu. And said. Il a dit. If you take me in. Si tu me prends à l'intérieur de toi. Your soul will become alive again. Ton âme deviendra à vie encore. If you accept me inside of you. Si tu m'as mis à l'intérieur de toi. If you allow me to come into you. Si tu me permets de venir à l'intérieur de toi. And I become one with you. Et je deviens un avec toi. You'll be alive again. Tu seras à nouveau à vie. This is what Jesus came to do. Voilà ce que Jésus est venu faire. To restore the soul of man that had been condemned. Pour restaurer les âmes des hommes qui étaient déjà condamnés. Now let's come again. Alors revenons alors ici. This is the spirit. Là c'est l'esprit. This is the soul. C'est l'âme. This is the body. Là c'est le corps. Now if we are going to analyze some. Alors si nous allons analyser. The soul of man. L'âme de l'homme. Hello. Hello. The soul of man, l'âme de l'homme, respond to the most effective. Répond le plus à ce qui est affectueux. Is to assist the most effective among these two. C'est pour assister ces deux ici. Amen. Amen. So, please excuse me. Sorry. No, come closer. Pardonne-moi, oui, un peu près. Amen. Amen. When the body begin to realize. Quand le corps commence à réaliser, do you know who I am? Ça, sais-tu qui suis-je? The soul help him. L'âme va l'aider. Yes. Oui. Do you know who you are? Oui, tu connais qui tu es. You are this, you are that. Tu es ceci, tu es cela. Don't let that man ne laisse pas despise ces messieurs-là. You. Ne laisse pas ces messieurs-là te diminuer. It will help him to think it very well. L'âme va t'aider à méditer là-dessus. It will meditate on it very well. Tu vas bien méditer là-dessus. It will bring forth fruit. Il va apporter les fruits. And that fruit is hatred. Et ces fruits-là sont unforgiveness, le manque de pardon, hatred, la haine, and many others. Et beaucoup plusieurs. It starts from one step to the other. Ça commence une étape après l'autre. Shall we read Romans, Galatians? Please, Galatians 5:16. Pouvons-nous lire dans le livre de Galates, chapitre 5, 5:16, verset 16. Hallelujah. Amen. So the fruit of the flesh begin to manifest. Les fruits de l'esprit commencent à se manifester. You can read now. Galates chapitre 5, verset 16, nous lisons au nom de Jésus. Je dis donc, marchez selon l'esprit. Et vous n'accomplirez pas le désir de la chair. Go ahead. Car la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit, et l'esprit en a des contraires à ceux de la chair. Ils sont opposés entre eux, afin que vous ne fassiez point ce que vous voudriez. Si vous êtes conduit par l'esprit, vous n'êtes point sous la loi. Or, les œuvres de la chair sont évidente. Ce sont la débauche, l'impureté, les dérèglements, l'idolâtrie, la magie, les rivalités, les querelles, la jalousie, les animosités, les disputes, les divisions, les sectes. Amen. Amen. So this is the fruit that the flesh will produce. Voilà les fruits que la chair produit. This is what we come out of the flesh. Voilà ce qui vient de la chair. The flesh will manifest it. La chair va se manifester. But there's one other way. Mais il y a une autre façon. So even if you are born again, même si tu es né de nouveau, you know how to speak in tongues. Mais tu connais comment parler en langue. You can be speaking in tongues and be confused. Tu peux parler en langue, mais tu es confus. And your soul is close to the flesh. Et quand ton âme est près de la chair, no matter how you speak in tongues, quelle que soit la façon dont tu peux parler en langue, somebody match you a little. Si quelqu'un te piétine, when you react, quand tu vas réagir, people will say, "Are you not a Christian?" Les gens vont se demander, n'es-tu pas chrétien? Laisse-moi, je suis un chrétien. Because your soul needs to be regenerated. Parce que ton âme a besoin d'être régénérée. By the word of God. Par la parole de Dieu. Hello? Hello? Now, let's take for instance. Alors, prenons par exemple. Please, can you move this way? Pouvez-vous aller de l'autre côté? You can see that she's close to the spirit. Vous now. Voyez maintenant que l'âme est près de l'esprit. What happens? Qu'est-ce qui va se passer? The spirit will influence the body. L'esprit va influencer le corps. Through the soul. À travers l'âme. You hear the person say, I have to fast. Vous allez entendre quelqu'un dire, je veux jeûner. Somebody, why did that man act to you like that? Quelqu'un va te poser la question, pourquoi ce monsieur-là a agi comme ça envers toi? Oh, he don't know what he's doing. Non, il ne savait pas ce qu'il faisait. Why? Pourquoi? Because you are walking in the spirit. Parce que tu marches dans l'esprit. The fruit of the spirit will begin to manifest through you. Les fruits de l'esprit vont se manifester à travers toi. Do you hear that they lied against you? Tu apprends qu'on t'a menti. What did they say? Qu'est-ce qu'ils ont dit? Oh, it's because they don't understand. Non, c'est parce qu'ils ne comprennent pas. You don't do things ordinarily anymore. Tu ne fais plus de choses ordinairement. Your character becomes different. Ton caractère devient différent. People look at you and say, "Are you sure he's normal?" Les gens te regardent et ils croient, est-ce qu'il est vraiment normal? Because you are walking by the Spirit. Parce que tu marches selon l'esprit. You meditate on the word of God. Tu es en train de méditer sur la parole de Dieu. So you walk. Et tu marches in the word. Dans la parole. This is the reason why. C'est ça la raison pour laquelle. People struggle. Les gens ont des difficultés. In the church. Dans l'église. Where are you, God? Et ils crient, disent, où es-tu, Dieu? Where are you, God? Ouais, tu es où, Dieu? God is alive. Dieu est vivant. God is with you. Dieu est avec toi. But he cannot walk with you. Mais il ne peut pas marcher because avec you toi. Have already rejected him. Parce que tu l'as déjà rejeté. He said, "If you abide in me, il dit, si vous demeurez en moi, and my word abide in you, et que ma parole demeure en vous, then, alors, you ask, vous allez demander, whatsoever, toute chose, whatsoever, toute chose, you desire, toute chose que vous désirez, when the word is not in you, quand la parole n'est pas en toi, you are asking, tu demandes, what will you ask? Qu'est-ce que tu vas demander? Zero plus zero, zéro plus zéro." And what do you see? Et qu'est-ce que tu vas voir? Zéro. Zéro. Hello. Hello. I think mathematics in French and in English is the same thing. Mathematics in French. Je crois que la mathématique en français et en anglais c'est la même chose. Okay. When 50 multiplies zero, how many do you get? Quand tu prends 50 fois zéro, tu as combien? So if the pastor prepare all through the night, hey, bagada, bada, bagada, sweat all through the night. Alors si le pasteur a préparé toute la nuit en parlant en langue, toute la nuit il a transpiré. And you come with a zero head. Et tu viens avec zéro dans ta pensée. What happens? Qu'est-ce qui va se passer? He lay the hand on you. Il va poser les mains sur toi. Everything become what? Et chaque chose devient quoi? Zéro. That is the problem of the church. Voilà le problème de l'église. Prepare yourself before you come. Sois préparé avant de venir. Prepare yourself for your breakthrough before you enter the church. Sois préparé pour ta percée avant d'entrer l'église. The woman said. La femme a dit. She prepared. Elle s'est préparée. She heard about Jesus. Elle a entendu parler she de Jésus. She has never seen Jesus. Elle n'avait jamais vu Jésus. She has never seen Jesus. Elle n'avait jamais vu Jésus. But she heard about him. Elle a entendu de lui. And she said. Elle a dit. If I could see. Si je peux voir. If I could touch. Si je peux toucher. I will be healed. Je serai guéri. Prepare yourself. Sois préparé. Prepare yourself. Sois préparé. Don't come to church ordinarily. Ne viens pas à l'église ordinairement. Church is not an ordinary place. L'église n'est pas une place ordinaire. You are a spirit being. Tu es un esprit vivant. Contact your God in the realm of the spirit. Contacte Dieu dans les lieux spirituels. From the inner man. À travers l'intérieur. How can you be ordinary? Comment peux-tu être ordinaire? Ordinary. Comment tu peux être ordinaire? You do things the way you like. Tu fais les choses de la façon dont tu veux. He told Abraham, he said, walk with me. Il a dit à Abraham, marche avec moi. He said, walk with me. Il a dit, marche avec and moi. And be perfect. Et sois parfait. So when the soul moves alors, this way, alors quand l'âme s'attache à l'esprit, what happens? Qu'est-ce qui va se passer? the body will begin to sense. Le corps va commencer à sentir. The things I used to do, les choses que j'ai toujours faites, je ne le fais plus. The words I used to say, les paroles que j'avais toujours dit, I say them no more. Je ne les dis plus jamais. The places I used to go, les places que j'avais l'habitude d'aller, I go no more. Je n'y vais plus. There is a great change. Il y a un grand great changement. Change in my life. Le changement dans ma vie. When there is a transformation, quand il y a la transformation, there is a physical change. Il y a le changement physique. When there is a transformation in the inside, quand il y a la transformation interne, it gives birth to a change in the physical. Ça va donner naissance au changement physique. You have to be transformed. Tu dois être transformé. In your mind, dans tes pensées. In your way of life, dans ta façon de then la vie. You will see God. Alors tu verras Dieu. You will manifest the grace of God. Tu vas manifester la grâce divine. The way others have not been able de to la do. Façon dont les autres n'ont jamais eu l'occasion de le faire. You are thinking of another thing. Tu es en train de raisonner à autre chose. And you are believing God for breakthrough. Et tu es en train de croire en Dieu pour ta percée. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. In Genesis chapter 1, dans le livre de Genèse chapitre 1, the Bible said, la Bible dit, because it's only when you are transformed, parce que de la seule façon que tu es transformé, that you can manifest like God, que tu peux te manifester comme Dieu. The Bible says, la Bible dit, ye are gods, que vous êtes Dieu. You are sleeping every day. Witchcraft are coming to beat you. Say you are Christian. Which Christian? Tu dors chaque jour et les sorciers viennent te frapper et tu dis tu es chrétien. Quel genre de chrétien es-tu? You are supposed to show an example. Tu es supposé montrer les exemples to people, aux gens, that Jesus, que Jésus, is Lord. Jésus est Seigneur. In everything you do, dans chaque chose que tu fais. In Genesis chapter 1, dans le livre de Genèse chapitre 1, he says, il dit, please read it, let me know. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Three. La terre était informe et vide. Il y avait de ténèbres sur la surface de l'abîme. Et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Dieu dit que la lumière soit et la lumière fut. Amen. One of the things that happened there, l'une des choses qui s'est passée ici, the Spirit of God moved upon the face of the water. L'Esprit de Dieu s'est mouvé sur l'abîme de la terre. The Bible did not say God moved upon the face of the water. La Bible n'a pas dit Dieu s'est mouvé sur l'abîme de la terre. The Spirit of God moved upon the Mais face l'Esprit of the water. De Dieu s'est mouvé sur l'abîme de la terre. And when the Spirit of God moved, et quand l'Esprit de Dieu s'est mouvé, God spoke. Dieu parla. Is that not what is written? N'est-ce pas ça ce qui est écrit? When you want to move, quand tu veux avancer, take the word of God inside of you. Prends la parole de Dieu à l'intérieur de toi. Meditate on that thing. Médite sur la chose. And you will see breakthrough. Et tu verras la percée. It's not only meditating. Ce n'est pas seulement la méditation. Then you speak. Et tu vas maintenant parler. Many of us pray with empty minds. La plupart d'entre nous prient avec une pensée vide. A woman came to me. La femme est venue me voir. Many years ago. Plusieurs années passées. She said. Elle a dit. My husband is a drunk. Que mon mari est un ivrogne. Say my husband drink every night and come home. Que mon mari boit chaque soir et rentre à la maison. I told her. Je l'ai dit. We have been praying concerning your husband. Que nous avons beaucoup prié concernant ton mari. How do you pray for your husband? Et alors, comment toi-même tu pries pour lui? Say, I pray very well. Elle dit, je prie très bien pour lui. And she started crying again. Et elle a commencé à pleurer encore. I said, no, tell je me, dis, non, dis-moi. When you are praying, quand tu es en train de prier pour what lui, do you see? Qu'est-ce que tu vois? Say, what else will I see? Quoi d'autre puis-je voir en lui? I always see him drunk. Je le vois toujours ivre. And that is the image I see. Et voilà l'image que je vois. When you see failure, quand tu vois l'échec, and you are praying for breakthrough, et tu pries pour le percer, you cannot break through. Tu ne peux pas avoir le percer. Hello. See, vois positive things. Vois les choses positives. See breakthroughs. Vois la percée. See marriages. Vois le mariage. See your own marriage. Vois ton mariage. Don't give up. Ne faut pas t'arrêter. That is the way you can break through. C'est ça la façon que tu peux avoir ton ta réussite. See your business changing. Tu peux voir ton business en train de changer. Not the one you'll be praying one prayer, you are thinking of evil. Pas tu fais la prière contraire à ce que tu es en train de raisonner. You have a problem. Tu as un problème. And somebody just told you, ah, that problem, any person that have this problem, go for three years imprisonment. Nobody have ever escaped. Et les gens te disent, les gens qui ont eu ce genre de problème, ils partent en prison pour 3 ans. Tu ne peux pas t'en sortir. Now you are kneeling down. Now, tu vas maintenant t'agenouiller. Begin to say, oh God. Tu commences à dire, oh Dieu. 3 years. 3 ans. The devil will come. Et le Satan va venir. It's 3 years. C'est 3 ans. Oh. Nobody have ever escaped. Personne ne s'est échappé. So you cannot escape. Même toi, tu ne peux pas t'échapper. Oh, God. Oh Dieu! You are supposed to see beyond. Tu es supposé voir au-delà. What? Quoi? If nobody escape, si personne n'a échappé, I will escape. Moi, je veux échapper. They tell you the place your business is planted, they don't make it there. On te dit là où tu as placé ton business, les choses ne marchent pas de ce côté-là. If nobody makes it there, si personne n'a réussi là, I will change the situation. Moi, je veux changer la situation. Because I carry God. Parce que je transporte Dieu. Think the way God thinks. Raisonne de la façon dont Dieu raisonne. You are a son of God. Tu es le fils de Dieu. You are a daughter of God. Tu es la fille de Dieu. Think the way he thinks. Raisonne de la même manière que lui. Think. Raisonne. When Joshua was confused. Josué était confus. How can a man that was talking with God go and I will take his place? Comment est-ce que l'homme qui parlait face à face avec Dieu peut aller et moi je veux prendre sa place? What will I do to these people? Qu'est-ce que je veux faire avec ces gens? And God said, et Dieu lui a dit, the solution is this. La solution est celle-ci. This book of the law. Que ce livre de la loi. This book. Ce livre de la loi. Shall not depart out of your mouth. Ne doit pas s'éloigner loin de ta bouche. This book. Ce livre. Is the solution. C'est la solution. I was confused for many years. J'étais confus pour plusieurs années. Because why? Pourquoi? I crammed the Bible. J'étais en train de lire la Bible. I cram it. Oh, j'ai mémorisé la Bible. Uh-huh. I memorized it a lot. J'ai beaucoup mémorisé la Bible. But at the end. Et à la fin. I said, ah, what is happening? J'ai commencé à me poser la question, mais qu'est-ce qui se passe? You have to move. Tu dois mouver. As God moved. Comme Dieu mouva. Take the word. Prends la parole. Meditate on it. Et médite sur la parole. Let it be part of you. Laisse que la parole soit une partie de toi. Begin to meditate on it. Commence à méditer sur la parole. And the light will come. Et la lumière viendra. People will say, how did you make it? Les gens diront, comment est-ce que tu es parvenu? How did you make it? Comment est-ce que tu y es parvenu? Tell us how. Dis-nous, raconte-nous. God is looking for people. Dieu est en train de chercher les gens. That will stand out. Qui peuvent se tenir. That will bring glory to his name. Les gens qui peuvent apporter la gloire à son nom. God is waiting for you. Dieu t'attend. God is waiting for you. Dieu t'attend. God is waiting for you. Dieu t'attend. A lot of people today. Plusieurs personnes aujourd'hui. Distraction is the in thing. La distraction est en eux. When they say, oh, no, I'm on holiday. Quand ils disent, ils sont en congé. The next thing is phone. La première des choses, c'est le téléphone. They can spend 5 hours. Ils peuvent passer 5 heures on phone. Sur leur téléphone. Ask the person. Demande à la personne. Did you read your Bible today? Est-ce que tu as lu la Bible aujourd'hui? Maybe 2 chapters or 1 chapter. Ne parlons pas de 2 chapitres, juste 1 chapitre. Did you meditate? Est-ce que tu as médité? No. Ils te diront non. What is your need? C'est quoi tes besoins? He will bring out list of needs. Il va t'apporter toute une liste de besoins. Somebody you are not close to. La personne que tu n'es même pas proche. Are you expecting him? Et tu attends, tu as des attentes en lui. To do something for you. Tu attends qu'il fasse quelque chose pour toi. He said, if my word is in you. Il dit, si ma parole est en vous. Relationship. La relation depends on everyday communication. La relation dépend sur la communication journalière. If you, if I approach my wife, if when I approach my wife, si quand j'ai approché ma femme, and I told her I will marry you, et je lui ai dit je vais te prendre en mariage, and I spend almost millions of dollars to marry her, et je peux dépenser des millions de dollars pour la prendre en mariage, I don't talk in the house. Mais dans la maison je ne parle pas. Good morning, good morning. Je dis bonjour, bonjour. Will that love last? Women, est-ce que cet amour-là peut durer? Les femmes, pouvez-vous me donner des réponses? Will it last? Est-ce que cet amour-là va that durer? That is the way we treat God. Voilà comment nous traitons Dieu. What is your communication with Him? C'est quoi ta communication avec Dieu? He says, pray without ceasing. Il dit, priez sans cesse. It's not for you to kneel down. Ce n'est pas pour toi de t'agenouiller sans cesse. It's to communicate. Mais c'est de communiquer without ceasing. Sans cesse. Exodus chapter 7 verse 1. Exode chapitre 7 verset 1. It reads. La parole dit. Amen. Amen. Okay, just check it. L'Éternel dit à Moïse: vois, je t'ai fait Dieu pour Pharaon, et Aaron ton frère sera ton prophète. Amen. Amen. Please, you can sit down. God bless. S'il vous plaît, vous pouvez vous asseoir. Clap on for them, clap on for them. Acclamez pour eux. God told Moses. Dieu dit à Moïse. Because anytime Moses wants to appear before Pharaoh. Parce qu'à chaque fois que Moïse voulait apparaître devant Pharaon, he begin to shake. Il tremblait. In his mind. Dans sa pensée. He knew Pharaoh. Il savait bien qui était Pharaon. Pharaoh can say, kill him now. Pharaon pouvait dire, tuez-le maintenant. And somebody will just slice his head. Et chacun va, et quelqu'un va juste l'égorger. He knew the power of Pharaoh. Il savait bien la puissance qu'avait Pharaon. But he don't know the power of God. Mais il connaissait pas aussi la puissance qu'avait Dieu. And God told. Et Dieu lui a dit, Moses. Moïse. See. Vois. Tell your neighbor, say see. Dis à ton voisin, vois. You're not saying it well. Say vous ne le dites pas bien. Dites-le bien. Amen. Amen. He said, see. Il a dit, vois. I have made thee a god over Pharaoh. Je t'ai fait Dieu devant Pharaon. That means. Cela veut dire. You can kill Pharaoh. Tu peux tuer Pharaon. By your prophecy. Par ta prophétie. You can make him lame. Tu peux le faire s'incliner. You can spoil his kingdom. Tu peux détruire son royaume. Si. Vois. What do you think is impossible? Qu'est-ce que tu penses que c'est possible? Si. Vois. See possibilities from impossibility. Vois les possibilités dans l'impossibilité. Abraham. Abraham, whenever he go into Sarah, à chaque fois qu'il allait vers Sarah, he begin to look at the woman. Il a commencé à regarder la femme. This one is a dry wood. Il dit, celle-ci est déjà un bois sec. He cannot make anything. Elle ne peut pas faire quelque chose. I'm just wasting my time. Je suis en train de perdre mon temps. He did not know. Il ne savait pas. He did not know. Il ne savait pas. He did not know. Il ne savait pas. He did not know. Il ne savait pas. That God does not see the way man sees. Que Dieu ne voit pas la façon dont les hommes voient. Men may call you names. Les hommes peuvent t'appeler les noms. Men may condemn you. Les hommes peuvent te condamner. But God, mais Dieu, has not given up on you. Dieu n'a pas encore abandonné sur toi. What happened? Qu'est-ce qui s'est passé? God said, look, Dieu a dit, vois. You are wasting my time. Tu es en train de perdre mon until temps. You see, jusqu'à ce que tu vas voir. Until you see clearly, jusqu'à ce que tu vois clairement. Your miracle will not manifest. Ton miracle ne va pas se manifester. Say, come. Il dit, viens. Abraham, you are wasting my time. Abraham, tu es en train de perdre mon temps. Come. Viens. Look up. Regarde. Look up. Regarde. What can you see? Qu'est-ce que tu peux voir? He said, I see stars. Il dit, je vois les étoiles. He said, count the stars. Il dit, ok, compte ces étoiles. He started counting. Il a commencé à compter. Counting. Il a commencé à compter. Because God wants to build faith in him. Parce que Dieu voulait construire la foi en lui. God wants him to see the way he. Dieu voulait qu'il voie la façon he sees. La façon dont Dieu voit. The Bible said. La Bible dit. In Corinthians. Dans le livre des Corinthiens. God called those things which be not as though they were. Il appelle à l'existence les choses qui n'existent pas. So, we also need to meditate and call things forth. Nous devons aussi méditer et appeler les histoires à l'existence. Call forth your marriage. Appelle ton mariage à call l'existence. Forth your business. Call ton business à l'existence. Call forth your children. Appelle tes enfants à l'existence. Call forth your breakthrough. Appelle ta percée à l'existence. You cannot call it without seeing tu it. Tu ne peux pas les appeler sans les voir. If you can't see it, you can't call it forth. Si tu ne peux pas les voir, alors tu ne peux pas les appeler à l'existence. So it's better you see. Alors, c'est mieux de les voir. And when you see, et quand tu les vois, you call it forth. C'est alors que tu vas les appeler à l'existence. That's why some people they say, ah, just little prayer I pray and it works. It's because you have meditated on the word. C'est pourquoi il y a les gens qui disent juste la petite prière que j'ai fait et ça marchait. C'est parce que tu as médité dans la parole. God just answered me so quickly. Dieu m'a répondu très vite. No. Non, there was a kind of movement in the spirit. Il y avait déjà un mouvement dans l'esprit. There was a kind of closeness with God. Il y avait déjà quelque chose qui était près de Dieu. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. So what am I bringing out? Alors, qu'est-ce que je suis en train d'apporter? Be ye transformed. Il dit, soyez transformés. By the renewing of your mind. Par le renouvellement de la pensée. It's a very important thing. C'est quelque chose de très important. That is why the devil is using every means to fight our mind. C'est pourquoi le Satan utilise tout ce qu'il peut pour combattre He's nos pensées. Trying to occupy you by all means. Il veut t'occuper de toutes les façons. You see things, you are attracted with Quand it. Tu vois les choses, tu es attiré. He wants to keep you. Il veut te garder. Those things want to keep us from God. Les choses qu'ils veulent nous séparer de Dieu. Because parce que there is a battle going on in our mind. Il y a le bataille dans notre pensée. Today, aujourd'hui, if you can make up your mind, si tu peux juste ajuster ta pensée, to walk in the spirit, pour marcher dans l'esprit, to study the word deeper, pour étudier la parole. You will see God et tu verras Dieu in manifestation. Dans la manifestation. Every question in your heart will be answered. Chaque question dans ton cœur sera répondue. Be ye transformed. Soyez transformés. Be ye transformed. Soyez transformés. In the book of 2 Kings chapter 2. Dans le deuxième livre de Rois, chapitre 2 verset 10. This man told Elijah. Ce monsieur a dit à Élisée, à Élie. Because Elijah knew that he was about to go. Parce que Élie savait qu'il était déjà au point de partir. And Elijah said to him. Et Élisée lui a dit. What do you want me to give to you? Élie a demandé à Élisée, qu'est-ce que tu veux que je te donne? Say, I need double portion of your grace. J'ai besoin de la double portion de ta grâce. What you don't have, do you give it? Ce que tu n'as pas, est-ce que tu peux le donner? It's not easy to give double portion. Ce n'est pas facile de donner la double portion. But if he had said, I need your grace. Mais s'il avait dit, j'ai besoin de ta grâce. I need your anointing. J'ai besoin de ton onction. It would have been easy. Ça pouvait être facile. He will lay hands there. Il allait poser les mains sur lui. He will receive it. Et il allait recevoir l'onction. But what did he say? Mais qu'est-ce qu'il a dit? Double portion. Of what you carry. La double portion de ce que tu as. It was a problem for Elijah. C'était un problème pour Élie. And the old man started looking down. Et le vieux a commencé à regarder par terre. What do I do now? Qu'est-ce que je fais maintenant? And the word of God came. Et la parole de Dieu est venue. And he said to him. Et il lui a dit. If you can see me. Si tu peux me voir. If you can see me. Si tu peux me voir. When I'm taken away. Quand je suis transporté. You receive your grace. Tu vas recevoir. Today, aujourd'hui, what do you see? Qu'est-ce que tu vois? In your marriage, dans ton mariage, what do you see? Qu'est-ce que tu vois? Many people are prepared to divorce. Plusieurs sont préparés à divorcer. But what do you see? Mais qu'est-ce que tu vois? Do you know you may be the problem? Tu sais que tu peux être le problème. What do you see? Qu'est-ce que tu vois? Anytime you see your husband, à chaque fois que tu vois ton mari, you are seeing an angry man. Tu vois un homme méchant. Even when you are praying, même quand tu pries, you are cementing him with anger. Tu es en train de le couvrir de la colère. When you see your wife, quand tu vois ta femme, you are already angry. Tu es déjà fâché. What do you see? Qu'est-ce que tu vois? What do you see? Qu'est-ce que tu vois? Train yourself to see positive things. Entraîne-toi à voir les choses positivement. That when it is worst, que quand les choses ne vont pas bien marcher, you will speak positive things. Tu vas prononcer les paroles positives. Are you hearing me? Est-ce que vous m'entendez? To end it all, pour terminer, let's see the book of Isaiah, please. Nous allons dans le livre d'Ésaïe. Isaiah, Ésaïe, 8, verse 9. Chapitre 8, verset 9. Are you there? Êtes-vous là? No, verse 12, please. Verset 12. Chapitre 8, verset 12. No, please, can you start from 11 first? À partir du verset 11. Mm-hmm. Ainsi m'a parlé l'Éternel. Quand sa main me saisit et qu'il m'avertit de ne pas marcher dans la voie de ce peuple, n'appelez pas conjuration tout ce que ce peuple appelle conjuration. Ne craignez pas ce qu'il craint et ne soyez pas effrayés. Amen. Amen. In English it says, en anglais, c'est dit, for thus says the Lord to me with a strong hand. Voilà ce que Dieu m'a dit avec sa main puissante. And instructed me that I should not walk in the way of these people. Et il m'a instruit que je ne dois pas marcher dans la voie de ces gens. Say ye not. Il m'a dit, a confederacy. Yes. Conspiracy. Que la conspiration. To all them that, to whom these people shall say a conspiracy. La conspiration à ce que ces gens vont dire conspiration. Neither fear ye their fear. N'ayez pas peur de ceux qu'ils ont peur. Today, aujourd'hui, we say what unbelievers say. Nous disons ce que ceux qui ne croient pas disent. When they condemn us, we also condemn ourselves. Quand ils nous condamnent, nous nous condamnons aussi. When they say, ah, this Goma is very bad now. Quand ils disent Goma n'est pas bon maintenant. When the person is saying it, quand quelqu'un le dit, ask him, demandez-le. Are you a Christian? Tu es chrétien? You say yes, I'm a Christian. Il va dire oui, je suis chrétien. I'm just coming from the church. Je viens de l'église tout de suite. But he's just saying that Goma is not. Mais il venait juste de dire que Goma n'est plus bon. Instead of him to use the right word, au lieu d'utiliser des bonnes paroles, he's using the bad word. Il est en train d'utiliser de mauvaises paroles. And when he's having problem tomorrow, alors quand il aura de problèmes demain, he will say God did not do it well. Il va dire Dieu ne l'a pas bien fait. When you see, quand tu vois, speak positive things. Parle de choses positives. Hallelujah. Amen. And God need people. God need people. Et Dieu a besoin de gens, people, les gens that can stand for him in a nation. Les gens qui peuvent se tenir avec lui. That will be example. Les gens qui peuvent être des exemples. Today. Aujourd'hui. Who are you? Qui es-tu? In Congo. Qui es-tu ici au Congo? Who are you in Goma? Qui es-tu ici à Goma? God is waiting for you. Dieu t'attend. God want to do something through you. Dieu veut faire quelque chose à travers toi. God want to transform your life. Dieu veut transformer ta vie. Shall we stand on our feet? Pouvons-nous nous mettre debout? And let us pray. Say, et God, nous allons prier. Dites à Dieu. Transform us from the Dieu, inner man. Transforme-nous de l'intérieur. Transform us from the inner man. Transforme-nous de l'intérieur. Begin to pray that prayer. Commence à prier cette prière. Begin to talk to God. Commence à parler à Dieu. Talk to God. Parle à Dieu. Talk to God. Parle à Dieu. Talk to God. Parle à Dieu.